Audiomatique. Audiomatique avec les sonoristes qui vous présentaient en amorce de cette transmission 346 la pièce Heaven interprétée par Moby et se retrouvant sur son deuxième album studio intitulé Ambient sorti en 1993. Dans le monde d'Audiomatique, il n'y a aucune frontière ni pour la musique ni pour les artistes qui la créent. À Audiomatic, cette séquence se terminait sur la musique du projet mexicain Siete 14 et sa pièce Dialogo, apparaissant sur l'album EP Agnosia, paru en 2018 en vinyle seulement. Avant Siete 14, c'était l'artiste Nicolas Cruz et sa pièce The Messenger, apparaissant sur son album Arpejos da Floresta, paru un peu plus tôt cette année. Et pour amorcer la séquence, c'était le projet Kixosis de l'artiste équatorien Daniel Lofredo Rota qui nous livrait sa composition Sin Lugarity, apparaissant sur son tout nouvel album Roca Fuerte. L'enchaînement musical à Audiomatique passera par le défunt groupe The God Machine. We'll be right back. À Audiomatic, nous avions droit, en conclusion de ce segment musical, au groupe américain Ceremony et sa chanson Video, apparaissant sur son quatrième album Zoo, paru en 2012. Et pour débuter, le défunt groupe The God Machine se faisait entendre avec sa composition Out, extraite de son premier album Scenes from the Second Story, lancé en 1992. Audiomatic se poursuit sur la musique du groupe belge Militia. You don't know what pain is! You don't even know what I'm Cette séquence de deux pièces à Audiomatic se concluait sur la musique de l'artiste Bryn Jones, artiste qui est décédé en 1999 après une quinzaine d'années de création musicale avec son projet Muslim Gods et laissant, avant sa mort, 96 titres officiels, dont l'album Coup d'État paru en 1987 et duquel nous avons entendu la pièce Émeute. Avant Muslim Gods, nous entendions le groupe belge Militia qui se proclame éco-anarchiste et a même rédigé son propre manifeste au début des années 2000. Toutefois, la pièce que nous avons entendue, intitulée Pain et à laquelle contribue la violoniste Laura Maes, a été produite en 1997 et se retrouve sur l'album Archive Collection 1996-1997. Pour vous permettre de vous rendre jusqu'à la fin de cette transmission 3, 4, 6 d'Audiomatic, les sonoristes vous proposent d'écouter le groupe norvégien Yaga Yassist et sa composition Suomi Finland, tirée de son troisième album The Sticks, paru en 2003. La transmission 347 d'Audiomatic sera diffusée en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM mercredi prochain dès 17h. Entre-temps, il est toujours possible de satisfaire sa soif de curiosité musicale en découvrant nos choix musicaux à travers nos anciennes transmissions, dont les archives sont accessibles par le biais de nos profils facebook.com/audiomatic-cfou. Et mixcloud.com/audiomatic. Voici donc Yaga Yassist et la pièce Suomi Finland. C'était Audiomatic avec les sonoristes. We'll be right back.